Là, de cette solitude, il rechercha un de ses anciens camarades, nommé Baptiste Martinon. Il le découvrit dans une pension bourgeoise de la rue Saint-Jacques, bûchant sa procédure devant un feu de charbon de terre. En face de lui, une femme en robe d'indienne reprisait des chaussettes. Martinon était ce qu'on appelle un fort bel homme, grand, joufflu, la physionomie régulière et des yeux bleuâtres à fleur de tête. Son père, un gros cultivateur, le destinait à la magistrature. Et, voulant déjà paraître sérieux, il portait sa barbe taillée en collier. Comme les ennuis de Frédéric n'avaient point de cause raisonnable et qu'il ne pouvait arguer d'aucun malheur, Martinon ne comprit rien à ses lamentations sur l'existence. Lui, il allait tous les matins à l'école, se promenait ensuite dans le Luxembourg, prenait le soir sa demi-tasse au café et, avec 1500 francs par an et l'amour de cette ouvrière, il se trouvait parfaitement heureux. « Quel bonheur !» exclama intérieurement Frédéric. Il avait fait à l'école une autre connaissance, celle de M. de Sizy, enfant de grande famille et qui semblait une demoiselle, à la gentillesse de ses manières. M. de Sizy s'occupait de dessin, aimait le gothique. Plusieurs fois, ils allèrent ensemble admirer la Sainte-Chapelle et Notre-Dame. Mais la distinction du jeune patricien recouvrait une intelligence des plus pauvres. Tout le surprenait. Il riait beaucoup à la moindre plaisanterie et montrait une ingénuité si complète que Frédéric le prit d'abord pour un farceur et finalement le considéra comme un nigaud. Les épanchements n'étaient donc possibles avec personne et il attendait toujours l'invitation de D'Ambroise. Au jour de l'an, il renvoya des cartes de visite, mais il n'en reçut aucune.